Comment dit-on? Qu'avez-vous pour moi? Was haben Sie? Oui, was haben Sie? Pour moi? Für mich? Was haben Sie für mich? Encore une fois? Was haben Sie für mich? Mm-hmm. Et que pouvez-vous m'apporter? Was können Sie mm-hmm. mir bringen? Oui, étape par étape. Was können Sie mir bringen? Was können Sie mir bringen? Alors, pour moi, c'est für mich. Für mich. Mais avec moi, c'est mit mir. Mit mir. Donc, mit mir, c'est avec, suivi de la forme qui veut dire à moi. Tandis que pour moi se dit für mich. Donc, pour vous, ça sera für Sie. Für Sie. Mais pour dire avec vous, vous avez besoin de avec, mit, suivi de la forme pour dire à vous, Ihnen. Donc, avec vous, se dit mit Ihnen. Mit Ihnen, oui. Donc, Sie veut dire vous. S'il n'est pas employé dans le sens de « à vous », mais « vous » employé dans le sens de « à vous », c'est « Ihnen ». C'est comme pour « me », qui dans le sens de « à moi » se dit « mir ». « Vous » dans le sens de « à vous » se dit « Ihnen ». Donc, « je ne peux pas vous l'apporter aujourd'hui, car je ne l'ai pas » se dira. Comment diriez-vous « je ne peux pas vous l'apporter aujourd'hui » Ich kann nicht, non. Ich kann vous l'apporter. Donc, l'apporter à vous. Ich kann es Ihnen. Ihnen. Ihnen. Ich kann es Ihnen heute nicht bringen. Ich kann es Ihnen heute nicht bringen. Car se dit donc denn. D-E-2-N. Comment dit-on? Car je ne l'ai pas. Denn ich habe es nicht. Denn ich habe. Accentuez le A. Habe. Denn ich habe es nicht. Bien. Denn ich habe es nicht. Et maintenant, comment direz-vous? Je dois l'avoir. Ich muss es haben. Attention, le second verbe doit toujours être à la forme en en, la forme de l'infinitif, donc avec un n final. Ich muss est ce que j'appelle un verbe porte-manteau, parce qu'il y a généralement un autre verbe qui est accroché. Et ce second verbe, toujours placé à la fin de la phrase, est à l'infinitif, à la forme en en. Donc, je dois l'avoir se dit Ich muss es haben. Voilà, c'est ça. Ich muss es haben. Encore une fois? Ich muss es haben. Bien. Ich muss es haben. Ich muss, ça veut donc dire je dois, mais la forme qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est-à-dire l'infinitif devoir, c'est müssen. M-U-Umlaut, 2-S-E-N. U-Umlaut, U-Tréma, ce qui donne le son U. Müssen. Müssen. Devoir, müssen, tout comme pouvoir, können, et vouloir, wollen, sont ce que j'appelle des verbes porte-manteaux, car quel que soit le verbe qui les suit, ce verbe doit être placé à la fin et être à l'infinitif, la forme en en. Donc, on a müssen, devoir. À vous de le dire, devoir en allemand c'est müssen. Bien. Müssen. Müssen, c'est donc le verbe à l'infinitif, la forme qu'on trouve dans les dictionnaires. Mais pour je dois, il n'y a pas d'umlaut sur le U, donc on prononce U. Ich muss. À vous. Ich muss. Ich muss. Oui, avec le U prononcé U. Mais le verbe devoir, encore une fois, c'est müssen. müssen, c'est ça, avec le U umlaut qu'on prononce U. Bien, donc nous devons, c'est wir. Wir müssen. Wir müssen, tout à fait. Et vous, vous que je vous vois, devez? Sie müssen. Sie müssen. Oui. Et vous devez manger avec moi. Müssen Sie. Müssen Sie, c'est devez-vous. Ah oui. Sie müssen. Mm-hmm. Sie müssen mit mir essen. Bien. Sie müssen mit mir essen.